la génération dans le mépris. Drogue, alcool, entend les cris d'une mère qui pleure en voyant son fils criblé de balles, pas de répit. Faut de la caille pour tailler d'ici. Donne-moi le coffre, pas l'imbécile. Plus rien à perdre, j'ai connu la merde. Voilà ce que te diront les petits. Aujourd'hui le respect n'est plus. Braque son frère après avoir bu 3-4 verres de boîte carré de bulle. Emporta un pare-balle sous le pull. Fuck la school, vive la street. Ça fume, ça boit sous la pluie. Les loups à boire pour avoir ta thune. Touche du bois pour pas qu'il t'allume. Les parents désemparés, les professeurs pris un coup de pied. Les jours de l'an avec les pompiers toutes les nuits. Angers avait les nerfs à vif, la coque dans le pif. Agressif pour un soutif ou un peu de bif. Oh my god, que Dieu garde nos petits frères qui arrivent. Que veux-tu que je dise à leur mère? Aujourd'hui les jeunes n'ont plus rien à perdre. Ils préfèrent mourir que perdre la guerre. The world don't stop, keep my guns parked high. In my hood, we get beat up by the cops. C'est la vie, the block's too hot. We tryna move these rocks. Just another day, another body drop. C'est la vie, ça va? Parlez-vous français, c'est soit, c'est cool. But hotter than Pompeii, I rule. I've been a G since 93, I paid dues. When housing threw me out of my place, I made moves. Give me the ice and the cake, I can't choose. It's like a fat woman with weight, I can't lose. Yeah, still holding the square, yeah, it's I, the method man. J'ai fumé et toi? Now I don't speak much French, I make French shoes. I love me some French toast, but hate French food. My resume been dope, my kinfolks too. Some of you smoke guns, my guns smoke you. Mon frère, I'm hot, mon frère. If it's about guap or a G-spot, I'm there. I'm letting my heat pop, it don't stop there. If it's you and me, you ain't got a prayer, that's life. Que veux-tu que je dise à leur mère? Aujourd'hui les jeunes n'ont plus rien à perdre. Ils préfèrent mourir que perdre la guerre. The world don't stop, keep my guns parked high. In my hood, we get beat up by the cops. C'est la vie, the block's too hot. We tryna move these rocks. Just another day, another body drop. C'est la vie. Oh my god, que je garde mon petit frère qui arrive. Oh my god, que je garde mon petit frère qui arrive. Oh my god, que je garde mon petit frère qui arrive. Oh my god, que je garde mon petit frère qui arrive. Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, you know. Que veux-tu que je dise à leur mère? Aujourd'hui les jeunes n'ont plus rien à perdre. Ils préfèrent mourir que perdre la guerre. My dude, that's life. Wish I could live it twice. Then hope the second time I get it right. C'est la vie. Why am I so ghetto? So ghetto. So hood. So hood. Method soprano. Method soprano. What's good? What's good? Man. We gon' get it in on some real live shit. Big up to Soprano. Y'all know how we do. Wu-Tang. Chicago. Camarón.